Fait qu'au lieu de devenir des guidounes, ils deviennent des vieilles patates ratatinées. J'invoque pas d'être une guidonne. J'explique la mécanique de la relation entre la pensée et l'action.